Rien n'est impossible. le jour de grâce, le jour de gloire. Oh, qui m'a touché, qui m'a touché, qui m'a touché, Jésus de moi, qui m'a touché, qui m'a touché, qui m'a touché, qui m'a touché, Jésus demande qui m'a touché.